Marquis, prenez garde à vous. Vous préparez des chagrins, et j'aime mieux avoir vous en garantir que d'avoir à vous en consoler. N'allez pas confondre celle-ci avec celle que vous avez connue. Cela ne se ressemble pas. On ne les tente pas, on ne les séduit pas, on n'en approche pas, elles n'écoutent pas, on n'en vient pas à bout. Après cette conversation, le marquis se rappela tout à coup qu'il avait une affaire pressée. Il se leva brusquement et sortit, soucieux. Pendant un assez long intervalle de temps, le marquis ne passa presque pas un jour sans voir Madame de la Pommeraye. Mais il arrivait, il s'asseyait, il gardait le silence. Madame de la Pommeraye parlait seule. Le marquis, au bout d'un quart d'heure, se levait et s'en allait. Il fit ensuite une éclipse de près d'un mois, après laquelle il reparut. Mais triste, mais mélancolique, mais défait. La marquise en le voyant lui dit « Comme vous voilà fait, d'où sortez-vous? Est-ce que vous avez passé tout ce temps en petite maison pour rendez-vous galant ?»« Ma foi, à peu près. De désespoir, je me suis précipité dans un libertinage affreux. » « Comment? De désespoir ?»« Oui, de désespoir. » Après ce mot, il se mit à se promener en long et en large sans mot dire. Il allait aux fenêtres. Il regardait le ciel. Il s'arrêtait devant Madame de la Pommeraye. Il allait à la porte. Il appelait ses gens, à qui il n'avait rien à dire. Il les renvoyait. Il rentrait. Il revenait à Madame de la Pommeraye, qui travaillait sans l'apercevoir. Il voulait parler. Il n'osait. Enfin, Madame de la Pommeraye en eut pitié et lui dit « Qu'avez-vous? On est un mois sans vous voir. Vous reparaissez avec un visage de déterré et vous rôdez comme une âme en peine. Je n'ai plus pu tenir. Il faut que je vous dise tout. J'ai été vivement frappé de la fille de votre ami. J'ai tout, mais tout fait pour l'oublier. Et plus j'ai fait, plus je m'en suis souvenu. Cette créature angélique m'obsède. Rendez-moi un service important. Quelle? Il faut absolument que je la revoie et que je vous en ai l'obligation. J'ai mis mes valets discrets en campagne. De ce fait, je connais toute leur venue, toute leur allée de chez elle à l'église et de l'église chez elle. 10 fois, je me suis présenté à pied sur leur chemin. Elles m'ont seulement pas aperçu. Je me suis planté sur leur porte inutilement. Elles m'ont rendu libertin comme un sapajou, puis dévot comme un ange. Je n'ai pas manqué la messe une fois depuis 15 jours. Ah, mon ami, quelle figure! Qu'elle est belle! Madame de la Pommeraye savait tout cela. C'est-à-dire, répondit-elle au marquis, qu'après avoir tout mis en œuvre pour guérir, vous n'avez rien omis pour devenir fou, et que c'est le dernier parti qui vous a réussi. Et réussi, je ne saurais vous exprimer à quel point. N'aurez-vous pas compassion de moi, et ne voudrais-je pas le bonheur de la revoir? La chose est difficile, et je m'en occuperai, mais à une condition, c'est que vous laisserez ces infortunés en repos, et que vous cesserez de les tourmenter. Je ne vous scellerai point qu'elles m'ont écrit de votre persécution, avec amertume, et voilà leur lettre.